Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir à tous et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Deux bonnes heures de musique prog et on commence ce soir avec Pineapple Thief, une nouveauté. En fait, c'est un extrait, le premier extrait d'un album qui va paraître en février 2024, le 9 pour être plus précis. Et il aura pour titre « It Leads to This ». Et on aura la pièce de Frost. Et puis de Norvège, on vous présente un second extrait de l'album Giant Sky 2, un projet parallèle du claviériste et compositeur Erlend Viken, qui s'est fait connaître avec Soup. Et puis Marc, par la suite, on demeure en Norvège. Oui, en effet, avec le collectif de Chronicles of Father Robin, qui viennent de faire paraître hier leur second disque. Donc, c'est The Songs and Tales of Aeroa, Book 2. On aura donc pour vous ce soir la pièce Green Refreshments. Et il faut savoir que le troisième volume de cette trilogie paraîtra en 2024. Ce sera suivi de la formation italienne Aurora Lunare avec leur nouvel album qui a pour titre Terzo Luogo. C'est une formation qui a débuté en 1978 et qui s'est séparée en 1991. Ils ont fait un retour en 2003. Leur premier album studio est paru en 2013, mais ils avaient fait paraître un album en spectacle enregistré en 1980. Donc de ce nouvel album, on aura pour vous la pièce Oltre la Fredda Aurora. Également, à partir de 21h30, on aura un spécial de 60 minutes avec la formation italienne Sphératons. Alors c'est à ne pas manquer. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation de Pineapple Thief. We'll be right back. Thank you. Take me by the hand, I'll lead you through the night. foe. He thinks he's small and far too slow. He travels with his gifted mind across the fields of space. Love you. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Du 14 au 16 décembre, le Diamant vous invite à plonger dans l'univers envoûtant de la danse-théâtre avec Assembly Hall, la nouvelle création audacieuse de Kit Pivot et de la chorégraphe acclamée Crystal Pite. Avec 8 danseurs sur scène, soyez transportés dans une réunion où réalité et reconstitution médiévale se confondent. Des forces anciennes s'éveillent et l'enjeu de l'Assemblée devient bien plus important. Assembly Hall de Kit Pivot, du 14 au 16 décembre au Diamant. Billets disponibles sur lediamant.ca. Cycliste en tout genre, c'est annoncé pour vous. Vélo Basse-Ville est heureux de vous servir dans le quartier Saint-Sauveur depuis 2019. En cette fin d'année, nous vous encourageons à faire l'entretien de votre vélo dès maintenant pour éviter la ruée du printemps. Pas d'attente et vous profiterez des tarifs 2023. Entreprise locale, nous sommes détaillants des vélos Brody et des vélos Cargo Yuba. Nous effectuons réparation, installation de pièces et accessoires et nous sommes experts en vélos d'hiver. Faites un petit tour de vélo jusqu'au 171 Saint-Vallier-Ouest ou renseignez-vous sur vélobasseville.com. L'entretien de mon vélo, c'est maintenant, pas au printemps! Plongez dans la magie des fêtes avec notre version irrésistible de la brioche suédoise classique, la Cannelbulle. Une délicieuse brioche givrée, parfaite à partager en famille ou entre amis. La boîte à pain vous offre une idée cadeau aussi givrée qu'originale. La Cannelbulle à seulement 9,95 $. Exclusivement disponible dans nos 4 succursales jusqu'au Carnaval de Québec. Rendez-vous sur boiteapain.com et régalez-vous. CKRL 89.1. Blammo! Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Tel que Marc l'a annoncé en début d'émission, on a un spécial ce soir avec la formation italienne Sphératons qui a lancé récemment un nouvel album qui a pour titre Odi e Amo. Et je laisse la parole aux musiciens du groupe. Hello to everyone, this is Cecilio, Luca and Mario of Sphératons. We are listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Let's introduce our first tracks we are going to listen to today. Civiltà Perduta is taken from our first album, La Bestia Umana, released in 2016. It was written many years ago. It presents a whole series of themes such as war, wealth and poverty, the exploitation of natural resources and so on. It has a very accentuated rhythm where 5/4 characterizes the entire second part of the song. Appunti di Viaggio, which is also the title of our second album, it was taken from a tune with which we used to start our concerts in 2018. We developed it and inserted several different musical moments, which recall the stages of a long journey between delicate moments and strong, lively parts, sometimes almost jazzy. Si bruciano i suoi sentimenti di carta ed è subito pronto a spartirsi ogni torta. La beneficenza non è frutto del suo altruismo, ma un mezzo per nascondere il suo egoismo. L'interesse prevarica ogni sentimento, distrugge i cuori e fa nascere i nuovi sfruttatori. E la sete di giustizia si moltiplica e cresce, perché il povero non può nutrirsi di un solo pesce. Thank you. Thank you. Hello, it's Luca speaking, the keyboard player of the band. You know, from the second album we have Cielo Nero and Vela, which along with Appunti di Viaggio that we have just listened, are the most prog tracks on the album, or at least that's the feedback from our fans. In the song entitled Vela, a typical prog sound of the early 70s introduces a timeless and spaceless male voice which describes the tireless work done by the sailors to bring their ship safely to a port. Cielo Nero is immediately characterized by a syncopated rhythm marked by a piano with odd tempos embellished by Jeff Warren's flute already present in the previous tracks. Cielo vano, cielo

from our latest album, La Donna Amata, is perhaps one of the most appreciated songs by our fans and critics. It came into light from an idea of our keyboard player Luca, enriched by a part in 13/8, written by Cecilio, our drummer, which was a bit challenging to play for the band, I have to say. Another recurring feature is a bolero rhythm, which enriches the song. Hi everyone, I'm Mario, the bassist of the band, and I also want to congratulate Terra Incognita on their 20th anniversary of activity. Maddalena is the song I choose to present to you. The piece opens with a long instrumental part in which the different instruments seem to give voice to the contrasting moods of the protagonist, a modern Maddalena. A meditative bass phrasing precedes the crescendo that leads to the actual song. Here, the beautiful verses of the poet Donato Di Luca marry with the melodic grace of Giovanni Di Nunzio's music in a union that admirably expresses the inner drama of the protagonist. The verses, written in the dialect of the country town in which the band has its roots, give great strength to the expressiveness of the text, while the atmospheres move between sacred and profane, with a church organ always ready to respond to the choir and the female voice that seems to come from the afterlife. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. La Ligue d'improvisation de Québec, c'est la sortie culturelle abordable à ne pas manquer. Tous les mardis 20h au Palais Montcalm, venez voir naître sous vos yeux des histoires loufoques, touchantes ou hilarantes. Chaque représentation est unique, mais les rires sont garantis à tous les mardis. Pour un spectacle d'improvisation théâtrale de haut calibre et de qualité professionnelle à Québec, essayez la Ligue. Visitez le improlique.com pour vous procurer des billets ou pour plus d'informations. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita. Avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet, on remercie encore une fois les musiciens de Sphératons pour ce spécial avec cette excellente formation italienne. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura l'artiste britannique Peter Hamill, qui fêtait le mois dernier son 75e anniversaire. Il vient tout juste de faire paraître un album qui s'intitule In a Foreign Town et Out of Water. En fait, c'est le réenregistrement de ces deux albums qui étaient parus respectivement en 1988 et 1990. Deux albums qui avaient été réalisés pour le compte de la maison de disques américaine Enigma. Comme l'artiste n'avait plus les droits sur ses albums originaux, il les a réenregistrés intégralement. On aura pour vous ce soir la pièce Evidently Goldfish qui apparaissait à l'origine sur Out of Water, paru en 1990. On aura également un second extrait du nouvel album de l'excellente formation québécoise Vecteur K. L'album s'intitule Statigraphie et on aura la pièce titre. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une excellente formation américaine. Oui, on va y aller avec un extrait du troisième album de la formation californienne Isobar, un groupe qui est né des cendres d'une autre formation californienne du nom de Métaphore. On va avoir la pièce Shadow Green. Salut, voici Malcolm Smith et Mark Spooner avec Isobar. Nous vous souhaitons encore de nombreuses années à jouer de la musique progressive à Québec et partout dans le monde. Félicitations à Michel et à toute l'équipe de Terra Incognita pour leur 20e anniversaire. Meilleure voix d'Isobar. Thank you. je brise ma surface à grands coups de pic dans ma couche de glace. Mes idées reprennent place au milieu de souvenirs de débarque. Et parmi mes vieilleries, l'homme que j'étais sourit vers l'homme perdu que je suis. Sous une intense lumière, passant au peigne fin des étages de terre, mis à nu de mes mystères, des questions surgissent de la poussière dans ma muraille meurtrie. Je contemple les pièces réunies de pans de ma stratigraphie. Thank you. Un nouveau monde s'étend maintenant sous mes pieds qui ne suivent plus. Je veux rire encore, même dans le noir, le blanc, les nuances. C'est si beau les nuances quand on ose ouvrir les yeux. The honesty of what's on offer. True detective or a fake fakir. All the evidence is circumstantial. As mud, the evidence is clear. As mud, the evidence is clear. Paranormal, the investigation. Where do things go when they disappear? All the evidence has been trumped up. As mud, the evidence is clear. I think we're onto something here. I think we're into something. I don't know, but maybe we're all goldfish in a mental sphere. As mud, the evidence is clear. I think we're into something. I don't know, but maybe we're all goldfish in a mental sphere. Ce soir, on a un extrait de l'excellent album Frame et Détonneur de la formation norvégienne Lumsk. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. L'autoroute suit dans quelques instants. En aften solskule mot snemarken ned. For grått mitt øye og tapt min fred.